vous présente ces deux spectacles à ne pas manquer. Au programme de son spectacle, vous pourrez applaudir les jongleurs, les équilibristes, les trapézistes, de la magie et de l'illusion, les William Mills, l'adresse au fouet et l'assommerican, les Richeville, l'équilibriste sur monocycle, sans oublier vos amis de clowns, les publics, les Buffalo Circus. Et parmi vous, et vous présente ces deux spectacles à nous marquer mardi et mercredi. Mercredi, installé à Paule. Place de la salle polyvalente. Le Buffalo Circus est parmi vous et vous présente ces deux spectacles à ne pas manquer. Mardi, premier spectacle 18h. Mercredi, spectacle à 16h. Sous un chapiteau chauffé et confortable. Le Buffalo Circus vous présente ces deux spectacles à ne pas manquer.